Chapitre 128e, la guerre. Dans son beau et énergique discours sur les émigrés, Brissot avait clairement montré les intentions des rois et le genre de mort qu'il réservait à la Révolution. L'égorgerait-on ? Non, on l'étoufferait. Alors, après avoir fait le tableau de la Ligue européenne, après avoir montré ce cercle de souverains, les uns l'épée à la main, arborant franchement l'étendard de la haine, les autres couvrant encore leur visage du masque de l'hypocrisie, jusqu'à ce qu'ils pussent le déposer, ils s'étaient écriés « Eh bien soit, non seulement acceptons le défi de l'Europe aristocratique, mais encore prévenons-le. N'attendons point qu'on nous attaque, attaquons nous-mêmes. » Et à ce cri, un immense applaudissement avait salué l'orateur. C'est que Brissot, plutôt homme d'instinct comme de génie, venait de répondre à la sainte pensée, à la pensée de dévouement, qui avait présidé aux élections de 1791, la guerre. Non pas cette guerre égoïste que déclare un despote pour venger une insulte faite à son trône, à son nom, au nom d'un de ses alliés, ou bien pour ajouter une province soumise à son royaume ou à son empire, mais la guerre qui porte avec elle le souffle de vie. La guerre dont les fanfares de cuivre disent partout où elles sont entendues. Levez-vous, vous qui voulez être libre, nous vous apportons la liberté. Et en effet, le monde commençait à entendre comme un grand murmure qui allait montant et grossissant, pareil au bruit d'une marée. Ce murmure était le grondement de 30 millions de voix qui ne parlaient pas encore, mais qui rugissaient déjà. Et ce rugissement, Brissot venait de le traduire par ces paroles « N'attendons pas qu'on nous attaque, attaquons nous-mêmes ». Du moment qu'à ces menaçantes paroles avait répondu un applaudissement universel, la France était forte. Non seulement elle pouvait attaquer, mais encore, elle devait vaincre. Restaient les questions de détail. Nos lecteurs ont dû s'apercevoir que c'est un livre historique, et non un roman que nous faisons. Nous ne reviendrons probablement jamais sur cette grande époque à laquelle nous avons déjà emprunté Blanche de Beaulieu, Le Chevalier de Maisonrouge, et un livre écrit depuis 3 ans, qui n'a pas encore paru, mais qui va paraître. Nous devons donc en exprimer tout ce qu'elle contient. Nous passerons néanmoins rapidement sur ces questions de détail pour arriver le plus promptement possible aux événements qu'il nous reste à raconter et dans lesquels sont plus particulièrement mêlés les personnages de notre livre. Le récit des événements de la Vendée, des massacres d'Avignon, des insultes de l'Europe, retentit comme un coup de foudre dans l'Assemblée législative. Le 20 octobre, Brissot, on l'a vu, se contentait d'une imposition sur les biens des émigrés. Le 25, Condorcet condamnait leurs biens au séquestre et exigeait d'eux le serment civique. Le serment civique à des hommes se tenant hors de France et armés contre la France. Deux représentants alors éclatèrent qui devinrent, l'un le Barnabe, l'autre le Mirabeau de cette nouvelle assemblée, Vergniaud, Isnard. Vergniaud, une de ces poétiques tendres et sympathiques figures, comme on entraîne après elle les révolutions, était un enfant de la fertile Limoges, doux, lent, affectueux plutôt que passionné, bien et heureusement né, distingué par Turgot, intendant du Limousin, et envoyé par lui aux écoles de Bordeaux. Sa parole était moins âpre, moins puissante que celle de Mirabeau. Mais, quoique inspiré des Grecs et un peu surchargé de mythologie, moins prolixe, moins avocatière que celle de Barnabe. Ce qui constituait la partie vivace, influente de son éloquence, c'était la note humaine qui vibrait éternellement. À l'Assemblée, au milieu même des ardentes et sublimes colères des tribunes, on entendait toujours jaillir de sa poitrine l'accent de la nature ou de la pitié. Chef d'un parti aigri, violent, disputeur, il plana toujours calme et digne au-dessus de la situation, même lorsque la situation fut mortelle. Ses ennemis le disaient indécis, mou, indolent parfois. Ils demandaient où était son âme, qui semblait absente. Ils avaient raison, son âme n'habitait en lui que lorsqu'il faisait un effort pour l'enchaîner dans sa poitrine. Son âme tout entière était dans une femme. Elle errait sur les lèvres, elle transparaissait dans les yeux, elle vibrait dans l'harpe de la belle, de la bonne, de la charmante Candeille. Isnard, tout au contraire de Vergniaud, qui en était en quelque sorte le calme, Isner était la colère de l'Assemblée. Né à Grasse, dans ce pays des parfums et du Mistral, il avait les colères violentes et soudaines de ce géant de l'air qui, du même souffle, déracine les rochers et effeuille les roses. Sa voix inconnue éclata tout à coup dans l'Assemblée comme un de ces tonnerres inattendus des premiers orages d'été. Au premier accent de cette voix, l'Assemblée entière frissonna, les plus distraits levèrent la tête et chacun frémissant comme Caïn à la voix de Dieu, fut prêt à dire « Est-ce à moi que vous parlez, Seigneur ?» On venait de l'interrompre. « Je demande, s'écria-t-il, à l'Assemblée, à la France, au monde, à vous, monsieur. » Et il désigna l'interrupteur. « Je demande s'il est quelqu'un qui, de bonne foi, et dans l'aveu secret de sa conscience, veuille soutenir que les princes émigrés ne conspirent pas contre la patrie. Je demande, en second lieu, s'il est quelqu'un dans cette assemblée qui ose soutenir que tout homme qui conspire ne doive pas être au plus tôt accusé, poursuivi et puni. S'il est quelqu'un, qu'il se lève. » On vous a dit que l'indulgence était le devoir de la force, que certaines puissances désarmaient. Et moi je vous dis qu'il faut veiller, que le despotisme et l'aristocratie n'ont ni mort ni sommeil, et que si les nations s'endorment un instant, elles se réveillent enchaînées. Le moins pardonnable des crimes est celui qui a pour but de ramener l'homme à l'esclavage. Si le feu du ciel était au pouvoir des hommes, il faudrait en frapper ceux qui attendent à la liberté des peuples. C'était la première fois que l'on entendait de semblables paroles. Cette éloquence sauvage entraîna tout avec soi, comme l'avalanche qui descend des Alpes entraîne arbres, troupeaux, bergers, maisons. Séance tenante, on décréta que, si Louis Stanislas Xavier, prince français, ne rentrait pas dans 2 mois, il abdiquait ses droits à la régence. Puis le 8 novembre, que si les émigrés ne rentraient pas au 1er janvier, ils seraient déclarés coupables de conspiration, poursuivis et punis de mort. Puis le 29 novembre, c'était le tour des prêtres. Le serment civique sera exigé dans le délai de 8 jours. Ceux qui refuseront seront tenus suspects de révolte et recommandés à la surveillance des autorités. S'ils se trouvent dans une commune où il survient les troubles religieux, le directoire du département pourra les éloigner de leur domicile ordinaire. S'ils désobéissent, ils seront emprisonnés pour 1 an ou plus, s'ils provoquent la désobéissance pour 2 ans. La commune ou la force armée sera obligée d'intervenir en supportera les frais. Les églises ne serviront qu'aux cultes salariés de l'État. Celles qui n'y seront pas nécessaires pourront être achetées pour un autre culte, mais non pour ceux qui refusent le serment. Les municipalités enverront au département, et ceci à l'Assemblée, la liste des prêtres qui ont juré et de ceux qui ont refusé le serment, avec des observations sur leur coalition entre eux et avec les émigrés, afin que l'Assemblée avise aux moyens d'extirper la rébellion. L'Assemblée regarde comme un bienfait les bons ouvrages qui peuvent éclairer les campagnes sur les questions prétendues religieuses. Elle les fera imprimer et récompensera les auteurs. Nous avons dit ce qu'étaient devenus les constituants, autrement dit les constitutionnels. Nous avons montré dans quel but avaient été fondés les feuillants. Leur esprit était parfaitement en harmonie avec le département de Paris. C'était l'esprit de Barnabe, de Lafayette, de Lamette, de Duport, de Bailly, qui était encore maire, mais qui allait cesser de l'être. Ils virent dans le décret sur les prêtres, décret, disait-il, rendu contre la conscience publique, ils virent dans le décret sur les émigrés, décret rendu contre les liens de famille, un moyen d'essayer du pouvoir du roi. Le club des feuillants prépara et le directoire de Paris signa contre ces 2 décrets une protestation dans laquelle on priait Louis XVI d'apposer son veto au décret concernant les prêtres. On se rappelle que la Constitution réservait à Louis XVI ce droit de veto. Qui signait cette protestation? L'homme qui, le premier, avait attaqué le clergé, le Méphistophélès, qui, de son pied beau, avait cassé la glace, Talleyrand. L'homme qui a fait, depuis, de la diplomatie à la loupe, ne voyait pas toujours très clair en révolution. Le bruit du veto se répandit d'avance. Les cordeliers lancèrent en avant Camille Desmoulins, ce lancier de la révolution qu'on trouve toujours prêt à planter sa pique en plein but. Lui aussi fit sa pétition. Mais, bredouilleur impossible, quand il essayait de prendre la parole, il chargea Fauchet de la lire. Fauchet la lut. Elle fut applaudie d'un bout à l'autre. Il était difficile de manier la question avec plus d'ironie et d'aller en même temps plus à fond. « Nous ne nous plaignons, » disait le camarade de collège de Robespierre et l'ami de Danton, « nous ne nous plaignons ni de la Constitution qui a accordé le veto, ni du roi qui en use, nous souvenant de la maxime d'un grand politique, de Machiavel. Si le prince doit renoncer à la souveraineté, la nation serait trop injuste, trop cruelle, de trouver mauvais qu'il s'opposât constamment à la volonté générale, parce qu'il est difficile et contre nature de tomber volontairement de si haut. » Pénétré de cette vérité, prenant exemple de Dieu même, dont les commandements ne sont point impossibles, nous n'exigerons jamais du ci-devant souverain un amour impossible de la souveraineté nationale. Et nous ne trouvons point mauvais qu'il appose son veto précisément au meilleur décret. » L'Assemblée, comme nous l'avons dit, applaudit, adopta la pétition, décréta l'insertion au procès-verbal et l'envoi du procès-verbal au département. Le soir, les feuillants s'émurent. Beaucoup de membres du club, représentant la législative, n'avaient point assisté à la séance. Les absents de la veille firent, le lendemain, invasion dans l'Assemblée. On annula le décret de la veille au milieu des huées et des sifflets des tribunes. Ce fut la guerre entre l'Assemblée et le club, qui s'appuya d'autant plus dès lors sur les Jacobins, représentés par Robespierre, et sur les Cordeliers, représentés par Danton. En effet, Danton gagnait en popularité. Sa tête monstrueuse commençait à s'élever au-dessus de la foule. Géant à Damastor, il grandissait devant la royauté et lui disait « Prends garde, la mer sur laquelle tu navigues s'appelle la mer des tempêtes !» Puis, voilà tout à coup la reine qui vient en aide aux Jacobins contre les feuillants. Les haines de Marie-Antoinette ont été à la Révolution ce que sont à l'Atlantique les grains et les bourrasques. Marie-Antoinette haïssait Lafayette. Lafayette, qui l'avait sauvé au 6 octobre, qui avait perdu sa popularité pour la cour au 17 juillet. Lafayette aspirait à remplacer Bailly comme maire de Paris. La reine, au lieu d'aider Lafayette, fit voter les royalistes en faveur de Pétion. Étrange aveuglement, en faveur de Pétion, son brutal compagnon de voyage au retour de Varennes. Le 19 décembre, le roi se présente à l'Assemblée, il y vient apporter son veto au décret rendu contre les prêtres. La veille, aux Jacobins, avait eu lieu une grave démonstration. Un Suisse de Neuchâtel, Virchaud, le même qui, au Champ de Mars, écrivait la pétition pour la République, avait offert à la société une épée de Damas destinée au premier général qui vaincrait les ennemis de la liberté. Isnard était là. Il prit l'épée du jeune républicain, la tira du fourreau et s'élança à la tribune en criant « La voilà, l'épée de l'ange exterminateur, elle sera victorieuse. La France poussera un grand cri et les peuples répondront. La terre alors se couvrira de combattants et les ennemis de la liberté seront effacés de la liste des hommes. » Ézéchiel n'eut pas mieux dit. L'épée tirée ne devait pas être remise au fourreau. Une double guerre était déclarée à l'intérieur et à l'extérieur. L'épée du républicain de Neuchâtel devait frapper d'abord le roi de France, puis, après le roi de France, les rois étrangers.